regarde là-bas. Vois-tu ce que je vois? Mais oui, c'est le seul, le vrai, unique don puant. Les vidanges passent et je te jette. Les vidanges passent, non, je ne regrette. Toi, le fauteuil qui en sait plus long sur mon cul que toutes les femmes que j'ai connues. Les vidanges passent, les écrits restent. Les vidanges passent et je vous jette. Les vidanges passent, les écrits restent. Les vidanges passent et je vous jette. De mon voyage à Tahiti que j'ai rapporté dans une honteuse maladie. Les vidanges passent, les écrits restent. Les gouvernements passent, la police reste. Les vidanges passent, les écrits restent. Les vidanges passent et je vous jette. Oh yeah.